Section 64 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 64. Les amours de Gilles. Livre 2e. Pulcinelle par Louis Morin. Chapitre 7. Le cœur de Pulcinelle, le cœur d'Isabelle. Pietro fut malade, très malade, et resta pendant 8 jours sans connaissance entre la vie et la mort. Lorsqu'il revint à lui, il était dans la chambre de Pulcinelle. Le vieil homme, assis au pied de son grabat, le regardait avec ce bon sourire qu'il avait le jour où, pour la première fois, Séraphine avait quitté Pietro. « Merci. » dit le malade en lui tendant la main. « Ne me remercie pas, mon garçon. J'aimais mieux te soigner chez moi que chez toi. J'étais tout porté. Et puis, tu ne m'as pas coûté cher. Un verre d'eau quand tu criais à boire. Et voilà tout. Le médecin que j'ai fait venir a dit que c'était une fièvre, que ça se passerait sans rien faire. Entre nous, je crois qu'il est mieux les malades riches, ce médecin-là. Il n'est pas revenu. Mais te voilà guéri tout de même. Qu'est-ce que j'ai eu comme ça? Il cherchait à se rappeler. Ah oui, je me souviens. C'est quand elle est partie. Elle n'est pas revenue? Non, il faut espérer pour toi qu'elle ne reviendra pas. Pietro ne répondit pas. Il voyait cela dans un lointain, très effacé, de l'autre côté du brouillard, des rêvasseries qu'il avait occupées pendant son délire. À présent, il ne ressentait autre chose qu'un bien-être indéfinissable. Il éprouvait à se sentir revivre une béatitude intérieure qui ne laissait place à aucun autre sentiment. Et puis, il était trop faible pour penser beaucoup. En regardant autour de lui, il vit une glace, et dans cette glace, une figure si pâle et si maigre qu'elle effraya. « Est-ce que c'est moi, ça ? » dit-il. « Oui, c'est toi, mon garçon. Le fait est que tu as eu une tête de Pierrot ou de Gilles qui ferait quelque impression au théâtre, même sur ces imbéciles de Florentin. Rassure-toi, quelques jours et il n'y paraîtra plus. Mais à propos de théâtre, une nouvelle, une grande nouvelle, il semble que Dame Fortune veuille pousser sa roue de notre côté. Qu'y a-t-il ? Il y a que le patron a découvert un grand seigneur, exilé, pour avoir eu quelques démêlés avec la seigneurie. Un Vénitien, lequel grand seigneur va faire venir la troupe chez lui, moyennant finance, pour le distraire, lui et ses camarades, et lui rappeler San Samuel et San Salvator. Dépêche-toi de guérir, cela nous permettra peut-être de retourner là-bas. Crois-tu que Cornelio veuille m'emmener ? Parbleu, il n'est pas si mauvais diable que tu crois. Les camarades sont tous venus te voir. On est mauvais comme ça entre soi, quand on se porte bien. Mais quand on est malade, l'amitié reparaît tout de suite. Ah, dame, on pense qu'on peut être pris du jour au lendemain. Oui, ils sont venus tous, surtout la petite Paquette. Elle venait tous les jours, elle. Elle s'asseyait là, près de ton lit, et elle se mettait à pleurer. Elle croyait toujours que tu allais mourir. Elle est un peu bête, tu sais. Ça n'est pas mauvais pour son rôle. Mais elle a un bon petit cœur. Ce n'est pas une Séraphine, celle-là. Elle vint en effet dans la journée et sauta de joie en apprenant que Pietro était revenu à lui. Elle l'embrassa si tendrement et avec tant de plaisir qu'il en fut ému. « Oh » dit-elle, « monsieur Pietro, si vous saviez comme vous avez été malade. Non, vous ne pouvez pas vous en douter. Vous étiez si blanc sur vos draps que ça faisait peur. Comme nous allons tous être heureux maintenant que vous voilà guéri. » Pietro fut debout quelques jours après. Les comédiens l'accueillirent avec une amitié qui le toucha. Il vit que Pulcinelle avait raison, et que c'était de bonnes gens, malgré leurs défauts. Cornelio lui-même lui marqua de l'intérêt. Il était de bonne humeur, du reste, le patron. Il comptait beaucoup sur la protection du praticien Megroni pour remettre ses affaires en état. Il composait une comédie toute à la louange de ce seigneur. Il la lut aux acteurs quelques jours après. Le roi Pantalon venait d'exiler. Sans vouloir écouter sa défense, son premier ministre Lélio, amoureux et aimé de la princesse Isabelle, sur les faux rapports du traître Pulcinelle, qui voulait prendre la charge de Lélio, et l'obtenait en effet. Gilles, le valet fidèle du ministre chassé, lui promettait de le faire rentrer en grâce et se mettait aussitôt en campagne. Il prenait la place d'un de ses amis, jardinier du jardin du roi, afin d'avoir l'occasion de parler à Pantalon. Et il amusait tellement le roi par ses farces et par son esprit que celui-ci le prenait en grande faveur. Gilles était aussi le confident de la princesse et le messager d'amour de Lélio. Tous deux, la princesse et le jardinier, ils démasquaient Pulcinelle et le faisaient chasser. Lélio reprenait sa place et épousait la princesse dans une apothéose, mais le pauvre Gilles était assommé par Pulcinelle, qui se vengeait ainsi du bon serviteur. Il devait être évident pour tous que Pantalon représentait le gouvernement de la Sérénissime, tandis que le noble praticien, chez lequel on devait donner la comédie, apparaîtrait sous le personnage du charmant Lélio, injustement chassé de sa patrie. Quant à Pulcinelle, il symbolisait les ennemis de la famille Megroni, et son rôle était soigneusement fait pour que dans son caractère, l'odieux le disputât au ridicule. Les détails de la pièce, cette fois, n'étaient pas laissés au hasard de l'improvisation. La comédie était soigneusement écrite d'un bout à l'autre, et chacun des acteurs était tenu de réciter très exactement son discours. Cornelio voulait que les intentions fussent bien claires, afin de forcer la munificence de son compatriote. Il devait tenir personnellement le rôle de Pantalon, car Denis remplirait celui de Lélio, Calcèse celui de Pulcinelle, Paquette celui d'Isabelle. Quant à celui de Gilles, le Scapin Fiasco devait en être chargé. Cornelio n'était pas très satisfait du choix qu'il était obligé de faire de Scapin, dont le jeu lui paraissait trop grossier pour le personnage qu'il avait écrit. Mais il n'avait pas le choix. L'Arlequin, bon surtout comme mime, étant incapable de retenir deux lignes d'un rôle écrit. La pièce fut distribuée et mise à l'étude. Cornelio était animé de la plus grande ardeur. « J'ai communiqué, disait-il, la pièce à M. Megroni. Il en est ravi. Toute la cour de Florence va être invitée. Nous jouerons devant un parterre de grands seigneurs. Notre caisse se remplit, mes enfants. Si la représentation marche à mon gré, courage, courage. » Mais il y avait évidemment un mauvais sort sur la malheureuse troupe. 4 jours avant la répétition générale, Scapin tomba malade. Le lendemain, on apprit qu'il avait la petite vérole. Cornelio fut sur le point de devenir fou. Que faire ? Ni Tartaglia, ni le docteur ne pouvaient tenir le rôle du jeune valet de Lélio. Et cet Arlequin qui ne pouvait apprendre 2 mots par cœur. Ce fut alors que Pietro s'en alla délibérément trouver le directeur. « Essayez-moi encore. Je crois que je pourrais jouer, Gilles. J'ai une mémoire excellente. Demain, je saurai le rôle. »« Comment, toi, malheureux? Mais tu ne te rappelles donc pas ton début? Je crois que cette fois, je serai plus heureux. Essayez-moi toujours, puisque vous n'avez plus que cette ressource. » Cornelio consentit, mais sans espoir. « Il est vrai, murmura-t-il, qu'il a joliment la tête de l'emploi. » Le lendemain, Pietro savait le rôle. Cornelio voulut que l'on répétât tout de suite. Quelle surprise et quelle joie! Pietro était un Gilles charmant, fin, délicat, spirituel. Son jeu n'était pas savant, mais comme il brûlait les planches, quelle ardeur, quelle gaieté jeune! Cornelio interrompit la répétition pour le serrer sur son cœur. « Mais qu'avais-tu, mon amour, Fio mio, mon mignon, grand artiste, qu'avais-tu à jouer si mal le jour de ton début ?»« Je ne sais pas. Cette idée de jouer avec tes camarades qui improvisent me troublait. Cela vous semble facile à vous qui avez l'habitude. Et puis, cette voix qui criait sans cesse. « Que fait là ce scaramouche ?» Et puis, ajouta-t-il avec un sourire triste, « et puis j'étais amoureux. » Ah, Dieu soit loué que cette carogne soit partie. Je l'ai bien regretté pourtant. Continuons, mon mignon, continuons. » Et la répétition s'acheva au milieu des applaudissements des acteurs. « Ah, Seigneur Dieu !» s'écria Cornelio. « Pourvu que tu joues comme cela devant le Seigneur Mégroni. Gilles, mon cher Gilles !» Fin de la section 64, lue par Margot.